Document 2, page 40. Allez, levez-vous et courez. 1, 2, 1, 2, plus vite. Ne vous arrêtez pas, Françoise, continuez. Je ne peux pas, j'ai mal aux pieds. Maintenant, asseyez-vous, levez les bras, rentrez le ventre. Robert, le ventre. Je ne peux pas, je mange trop. Eh oui. Levez les bras, baissez les bras, tournez la tête à droite, à gauche, ne tournez pas le corps. Marie, on se repose? Non, mais j'ai mal au dos. Levez-vous, touchez vos pieds avec vos mains, gardez les jambes bien droites. Bien, Suzanne. C'est facile pour Suzanne, elle est mince. Bon, maintenant, couchez-vous sur le tapis. Ah, enfin. Fermez les yeux, respirez tranquillement, relaxez-vous, c'est fini pour aujourd'hui.